Chapitre 3. Le président Daubré entra dans le cabinet de sa fille et annonça « Je pars pour Fontainebleau. Ne t'inquiète pas si je reviens tard, car Dieu me retiendra probablement à dîner. »« Ah, bien, papa !» Ariane, le stylo en l'air, regardait son père debout en face d'elle. Il tapotait le gilet clair qui faisait paraître plus jaune son teint de dyspeptique. Ariane demanda « Vous prenez le train ?»« Non, Ferdinand me conduit. Il a affaire à Nemours. Au retour, il me reprendra à Fontainebleau et dînera aussi chez Rieu. Tu ne vas pas au palais aujourd'hui ?»« Non, je travaille. Puis j'ai donné rendez-vous à une cliente. » « Une bonne cliente ?» Ariane se mit à rire en renversant son buste contre le dossier du fauteuil. « Pas précisément, je crois que je n'en recevrai jamais rien. » Le président eut une moue de mépris qui plissa son maigre visage. « Si tu en as beaucoup comme cela ?»« Pas mal, en effet. Une amie de Madame Even m'envoie tous ceux de ses protégés qui ont besoin d'un conseil, d'une direction juridique. » Et l'excellente dame en connaît de toutes sortes, de toutes catégories sociales. C'est inouï ce qu'il existe de misères matérielles et morales. Mon inexpérience se trouve parfois embarrassée devant certains cas épineux. L'un d'eux me préoccupe surtout et il faudra que je demande conseil à Maître Even. Pourquoi pas Ferdinand ? La bouche d'Ariane eut un pli de dédain. Ferdinand a une forte science juridique, mais il ne saurait pas y joindre le conseil moral indispensable à la circonstance. Le conseil moral ! Le conseil moral ! Le président hochait la tête avec un air de dire « Qu'est-ce que tu vas chercher là ?» Par la fenêtre qui donnait sur la cour, une chaude brise de juin entrait. Là-bas, on apercevait les fenêtres hautes et le toit du pavillon que le soleil brûlait en ses premières heures de l'après-midi. Le son d'un piano arrivait jusqu'au cabinet d'Ariane. « C'est Madame Even, » dit la jeune fille, voyant que son père tendait l'oreille. « Elle joue en artiste. »« Tu ne vas pas très souvent la voir, il me semble. » « Non, je ne veux pas être indiscrète, d'autant moins que j'ai été élevée dans des idées si contraires aux siennes. » Le président leva les épaules. « En voilà une raison. Petite masque, tu sais bien cependant comment on t'accueille partout. » Elle riposta sèchement. « Chez les Even, ce n'est pas partout. Ils ont un critérium qui n'est pas celui de tout le monde pour juger les gens et leur ouvrir leur intimité. » « Oui, oui, je sais qu'ils s'embourbent dans des préjugés excessifs. Il faut reconnaître cependant que Maître Even fait joliment bien son chemin. Il est doué, c'est incontestable. Mais j'imagine que son physique doit compter pour beaucoup dans ses succès. » Ariane sourit ironiquement. « Oui, près des femmes. Mais cette considération agit beaucoup moins sur ses confrères, sur les juges et sur le public sérieux. » « Even serait-il le plus disgracié des hommes qui n'en demeurerait pas moins un orateur remarquable et un juriste de grande valeur ?»« Certainement, certainement. Toutefois, je maintiens que la séduction de la personne, de la voix, donne plus de poids à la force persuasive de son talent. Je m'en rends compte par moi-même. »« Vous, papa ?» Une raillerie légère se discernait dans l'accent d'Ariane. « Je ne vous croyais pas susceptible de subir cette sorte d'influence. Voilà qui prouve mieux que tout, en effet, le pouvoir ensorceleur de Maître Even. » Le président ricana doucement en faisant claquer ses doigts secs. « Eh eh, il m'emballe un peu quelquefois, c'est vrai. Il est diablement éloquent et persuasif, le gaillard. Eh, fillette, prends garde à toi !» Il clignait des paupières en glissant un coup d'œil narquois vers sa fille. On dit que pas mal de femmes se sont toquées de lui sans qu'il daigne s'en apercevoir d'ailleurs. Ariane eut un geste d'impatience qui faillit faire glisser à terre les papiers posés devant elle. Le violet de ses yeux devint presque noir, tandis qu'elle ripostait d'un ton sec. « Ceci m'est tout à fait indifférent. Even est pour moi un confrère, un excellent confrère, rien de plus. » Le président eut le même ricanement doux, un peu agaçant. Certainement, c'est un confrère, un charmant confrère, beaucoup plus agréable à consulter que Ferdinand ou tout autre de ces messieurs du barreau. Je ne te blâme pas, ma fille, au contraire. D'ailleurs, je t'ai toujours laissé en tiers liberté, et tu peux, si le cœur t'en dit, essayer de conquérir le bel Éven. Sur ce, bonsoir, chère petite. » Il fit un vague geste amical, se détourna et sortit de son pas raide de rhumatisant. Ariane, pendant un moment, demeura immobile, les lèvres serrées. Une légère rougeur était montée à ses joues. Elle se leva et fit machinalement quelques pas vers la fenêtre. L'intense clarté de ce jour d'été se répandit sur son jeune visage aux yeux songeurs, à la bouche frémissante, sur la légère étoffe rose de sa robe et la blancheur palpitante des bras nus. « Quelle sottise » murmura-t-elle. Elle leva les épaules en accompagnant ce mouvement d'un sourire nuancé de dédain. Revenant au bureau, elle chercha des papiers qu'elle glissa dans une serviette, puis alla dans sa chambre mettre un chapeau. Quelques instants plus tard, elle sonnait à la porte du pavillon. Madame Éven parut à la porte-fenêtre de la salle à manger. Reconnaissant la visiteuse, elle vint lui ouvrir en souriant. « Vous nous faites une petite visite, mademoiselle ?»« Non, madame, pas maintenant. C'est Maître Éven que je viens consulter sur un point délicat qui me laisse perplexe. » « Ah, c'est mon fils que... » Une surprise, une contrariété voilée, s'éveillait au fond du regard qui, tout à coup, ne souriait plus. La main qui tenait celle d'Ariane se desserra un peu. « Il est ici, madame ?»« Mais oui, il est là. » La voix, tout à l'heure affable, devenait hésitante, un peu froide. « Entrez, mademoiselle, je vais lui dire de descendre. » « Mais s'il est dans son cabinet, je préfère le voir là, puisque c'est une visite de confrère que je lui fais. »« Ah, en effet, voulez-vous me suivre? Je vais vous montrer le chemin. » Toutes deux entrèrent dans la maison. À la suite de son hôtesse, Ariane monta un escalier un peu sombre où les pas s'étouffaient sur un tapis. Madame Éven ouvrit une porte et dit « Raymond, mademoiselle Daubré demande à te parler. » Un fauteuil fut repoussé, puis Raymond parut au seuil de la pièce. « Je viens vous déranger, monsieur, » dit gaiement Ariane. « Voyez quelle indiscrétion lorsque je vous sais si occupé. » Raymond protesta avec chaleur en serrant la main qui lui était tendue. Madame Éven se reculait un peu dans l'ombre du palier. Elle regardait Raymond et son visage se contractait comme sous la poussée de l'angoisse. Elle vit la porte se refermer sur la robe rose, tandis que résonnait le rire charmant d'Ariane. Et elle murmura quelques mots, une prière. Lentement, d'un pas tout à coup alourdi, elle redescendit. Dans le cabinet de Raymond, Ariane, assise en face de lui, expliquait son affaire très clairement. Il écoutait avec attention. Depuis qu'il avait entendu à la conférence, il apprenait au sérieux. Elle parlait fort bien, cette ravissante stagiaire, elle possédait très complètement sa jurisprudence et s'annonçait comme un jeune talent très réel. Raymond trouvait à la fois étrange et charmant le contraste de cette aride science juridique avec tant de féminine beauté. Mais jamais il n'avait eu cette impression aussi forte qu'aujourd'hui. Il ne voyait guère Ariane qu'au palais, dans sa robe d'avocate ou bien en tailleur de teinte neutre. Trois ou quatre fois, elle était venue chez ses parents, mais il ne se trouvait pas là. Il la connaissait donc peu en tant que relation mondaine, en tant que femme élégante, sachant ajouter à sa séduction naturelle la pointe d'une toilette d'un goût très sûr dans son apparente simplicité. Cependant, cette jeune personne très féminine se trouvait fort à l'aise au milieu des textes de loi et attendus de jugement qu'elle citait d'une voix tranquille, sans pédanterie, en femme tout occupée de son affaire. Raymond donna le conseil demandé en s'y attardant peut-être plus qu'il n'était nécessaire. dans la grande pièce sévère dont le mobilier ancien avait été celui du président Even, père du colonel, la robe rose d'Ariane, la chaude blancheur de son visage, le vivant éclat de ses yeux répandaient comme une clarté subtile. Elle se penchait au-dessus du bureau où elle avait étalé les pièces du dossier qu'elle venait de lui soumettre. À tout instant, son petit chapeau de paille souple couleur de châtaigne frôlait le visage des veines. Il s'en échappait une fine odeur d'iris, son parfum préféré, parce qu'il était celui de sa mère. À tout instant aussi, leurs yeux se rencontraient, éclairés d'une même chaude lumière qui était celle de leur jeunesse ardente. Ariane, accoudée au bureau, son menton sur la main, écoutait Raymond. Lui songeait « Quel merveilleux regard !»« Je vous remercie. Vous êtes d'une complaisance incomparable pour un pauvre petit confrère. » Tout en riant, Ariane reprenait les feuillets du dossier pour les remettre en ordre. Raymond regardait les jolis doigts si adroits, si prestes. Il riposta gaiement. « Ce pauvre confrère sait fort bien que l'on est heureux de lui rendre service. Je reste d'ailleurs toujours à votre entière disposition, mademoiselle. J'userai encore probablement de votre expérience, car la mienne est fort menue, et il y a des cas difficiles, témoin celui-ci. Madame Murillon vous procure des clients, m'a-t-elle dit ?» Ariane sourit. « Oui, elle m'a choisi pour l'avocat consultant de ses protégés. » L'excellente femme que celle-là, et amusante, elle paraît m'avoir prise en amitié. Hier, elle m'a emmenée chez une jeune femme, une Syrienne, épousée dans son pays par un Français, puis abandonnée avec ses deux enfants. On conteste maintenant la validité du mariage. Cette pauvre créature est sans ressources. Voilà de la misère navrante. Et quand je pense à son mari, à ce lâche... Elle se redressa et ses bras retombèrent doucement sur la serviette ouverte devant elle. Le mépris étincelé dans ses yeux mettait un pli au coin de ses lèvres rosées qui ne connaissaient pas le fard. « Madame Murillon voudrait que je la défende, mais c'est impossible, je suis trop novice encore. L'affaire, même venant l'année prochaine, serait beaucoup trop forte pour moi. » En conscience, je ne puis exercer mon inexpérience dans une partie aussi sérieuse qui aura pour enjeu l'existence d'une femme et de deux enfants. Je l'ai dit à Madame Murillon en lui conseillant de vous demander comme défenseur. J'accepterai volontiers. D'ailleurs, notre excellente amie a coutume de s'adresser souvent à moi. Oui, elle me l'a dit. Elle m'a dit beaucoup de choses sur vous. Ariane s'enfonça dans le fauteuil profond. Elle souriait en regardant Raymond avec quelque malice. « Vraiment, quelle chose !» Il se penchait, s'accoudait au bureau. Il souriait, lui aussi, et ses yeux avaient un éclat d'amusement. « Oh, je ne vous les répéterai pas. Votre modestie en souffrirait trop. Sachez seulement qu'elle vous tient en très grande estime et qu'elle n'assiste plus à vos plaidoiries parce que votre éloquence l'émeut au point de la rendre malade. D'ailleurs, vous m'avez bien fait pleurer, moi. Vous souvenez-vous? Je vous l'ai dit après le procès Vallier. Oui, je me souviens. » Sa voix prenait une intonation très douce. Une émotion ardente le pénétrait devant ses yeux qui devenaient d'un violet profond, velouté, et continuaient de sourire entre leurs cils baissés. Cette plaidoirie fut une révélation. Maître Melchior Bardou a dit à mon père « Nous pensions bien qu'Even serait un avocat de talent, mais ce génie oratoire nous a malgré tout surpris. » Il me l'a dit aussi. Une ombre passait sur la physionomie de Raymond. Après un moment de silence, il ajouta « C'est que j'avais souffert. » Et pour certaines natures, la souffrance est la grande force révélatrice, la dure conseillère qui exalte en nous des facultés insoupçonnées et nous porte au-dessus de nous-mêmes. Le sourire disparut des yeux d'Ariane qui parurent plus profonds encore et plus doux. Elle se redressa avec une lente souplesse. La robe rose frissonna autour d'elle et les petites pierres couleur de pourpre qui formaient un collier autour du cou glissèrent sur l'épiderme nacré. Oui, vous veniez de souffrir. Vous avez pris votre revanche ce jour-là. Vous ne savez peut-être pas jusqu'à quel point vous l'avez prise. Que voulez-vous dire ? Elle secoua la tête. Maintenant, je me sauve. Quel temps je vous ai fait perdre ! Elle se leva avec vivacité. Son regard tomba sur un diptyque placé au-dessus du bureau de Raymond. Il représentait une descente de croix. Toutes ces figures étaient sculptées dans l'ivoire avec une infinie délicatesse. Oh, l'exquise chose ! Je n'avais pas remarqué ! Tout en parlant, elle s'approchait et elle considéra longuement le diptyque. Raymond, qui s'était levé aussi et se tenait debout près d'elle, lui expliqua qu'il était l'œuvre d'un de ses plus intimes amis, mort à 25 ans, et qu'il lui avait légué. Le pauvre Étienne était un grand artiste, car ceci est réellement un chef-d'œuvre. Oui, l'expression de ses petites figures est saisissante, et quel joli mouvement dans ses draperies! Elle se tut et contempla de nouveau le diptyque. Près d'elle, Raymond songeait avec une tristesse poignante. Elle ne voit là que l'œuvre d'art. Cette scène, qui éveille en nos cœurs de croyants tant d'émotions et de souvenirs surnaturels, n'a pas de sens pour elle. Ariane se tourna vers lui. Son regard pensif contenait tout un monde de réflexions. Ce n'est pas seulement un souvenir de votre ami que vous avez mis là ce diptyque. Vous avez voulu affirmer ainsi vos convictions, votre qualité de chrétien. En effet, mademoiselle. Je vous envie, c'est atroce d'être dans la vie comme de perpétuels égarés, cherchant un peu de lumière et ne trouvant que la nuit, toujours la nuit. Elle parlait avec calme, mais une souffrance contenue frémissait dans sa voix. Raymond revoyait sur cette physionomie la même ombre tragique, la même angoisse que naguère, près de la chapelle des saints, quand elle lui parlait de la mort, de la nuit. Mais cette fois, il lui semblait découvrir dans le calme désespoir d'Ariane quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Ces quelques années avaient augmenté sa connaissance de la vie en lui montrant toute l'horreur du vide où se débattent tant d'âmes au milieu des épreuves matérielles et morales. Autrefois, ses 20 ans déjà sceptiques avaient pressenti seulement la grande souffrance désespérée. Maintenant, cette souffrance se révélait à elle dans le contact quotidien avec le monde, avec ces êtres qui venaient solliciter près d'elle un conseil, une direction, avec ces tristes héros des drames dont elle suivait l'épilogue sous les voûtes du palais. Raymond dit avec émotion « Comme je vous plains !» Elle murmura « Oh, si j'avais eu une mère comme la vôtre !» Son regard vint au diptyque et s'y attacha. À quoi pensait-elle ainsi en considérant cette scène qui ne pouvait émouvoir en elle que des sensations d'artiste ? Je me souviens que ma mère me parlait quelquefois du Christ et de la Vierge. Elle se tournait de nouveau vers Raymond. Il eut un mouvement de surprise qu'elle remarqua. Ma pauvre maman était une catholique pratiquante, mais assez tiède, paraît-il. J'avais 6 ans quand elle mourut. Alors, ce fut fini. Aucun frein ne nous fut imposé. À peine esquissa-t-on pour nous une vague direction morale. Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que cela devant la vie et devant la mort ? Elle se détourna, revint à la table et prit sa serviette. Déjà, le sourire revenait à ses lèvres. Allons, maître Évène, mettez-moi à la porte. Je suis déplorablement indiscrète en vous retenant ainsi. Mais vous êtes le seul à qui j'ai l'idée de confier ces petites préoccupations morales. Vous n'avez jamais cherché à connaître la vérité, à écarter ce voile qui vous oppresse ? Elle fit de la tête un signe négatif, puis elle dit, avec un accent de gaieté que Raymond jugea forcé, « Allons, je me sauve. Merci 1000 fois encore. Non, ne vous dérangez pas. » Mais sans l'écouter, il descendit avec elle l'escalier assombri. En sortant du vestibule, ils se trouvèrent dans le jardin brûlant de soleil. Sous le berceau, Madame Even faisait la lecture à son mari. Elle s'interrompit et regarda les deux jeunes gens qui approchaient, car Ariane venait de dire « Je vais serrer la main du colonel que j'aperçois là-bas ». Ils arrivaient dans l'ardente lumière, jeunes et beaux tous deux. La robe rose semblait glisser dans une gloire triomphale. Sur le livre ouvert devant elle, Madame Even appuya ses mains qui tremblaient un peu. Avec sa grâce habituelle, Ariane s'informa de la santé du colonel. Mais elle refusa de s'asseoir, faute de temps. « Il est près de 5 heures et j'ai donné rendez-vous à une cliente. Un autre jour, si vous le voulez bien. » « Certes, certes, ce sera toujours un grand plaisir pour nous. Vous déplairait-il que je vienne le soir? J'ai parfois bien peu de temps dans la journée. Mais oui, à n'importe quelle heure, vous serez toujours la bienvenue. N'est-ce pas, Hélène ?»« Je n'y vois pas d'inconvénient. » Raymond eut un regard surpris vers sa mère. Il lui semblait saisir, dans son accent, une sorte d'hésitante froideur. « Il paraît que vous avez un talent particulier pour la lecture des vers, » reprit le colonel. « Raymond vous a entendu au Grand Sapin et il en a été charmé. Vous seriez très aimable de me faire entendre un peu de mon cher Racine. »« Oh, bien volontiers. Voulez-vous demain soir ?»« Je pense qu'il n'y aura aucun empêchement. Qu'en dites-vous, Hélène ?»« Je ne le pense pas non plus, mon ami. » Cette fois, Raymond ne prêta pas attention au ton peu empressé de sa mère. Il regardait Ariane, debout devant le colonel et caressant d'une main distraite le dossier de la chaise placé près d'elle. Il pensait « Demain soir, je viendrai l'écouter. Elle doit comprendre les héroïnes de Racine. » Madame Even et son fils reconduisirent Ariane jusqu'à la grille. Au passage, dans les trois allées, il frôlait les rosiers en fleurs. Les pétales s'effeuillaient le long de la robe rose. Les doigts d'Ariane en saisirent quelques-uns, les firent doucement glisser sur la paume de la main et les éparpillèrent d'un geste léger sur les fleurs du petit parterre. « Je voudrais vous offrir quelques-unes de nos roses, » dit Madame Even. « Choisissez, mademoiselle. »« Vous êtes trop bonne. Je serais au regret que, pour moi, » vous détachez ces fleurs si chères au colonel. » Raymond dit vivement « Mon père serait très heureux de vous les offrir lui-même comme un remerciement anticipé du plaisir dont il jouira demain en vous écoutant. Eh bien, alors choisissez pour moi, car je les trouve toutes admirables. » Quand Raymond mit les roses cueillies par lui entre les mains d'Ariane, Madame Even, qui ne le quittait pas du regard, vit dans ses yeux ce caressant sourire qu'il avait dans l'intimité pour les êtres aimés ou sympathiques, et elle eut l'impression d'un frémissement dans la voix d'Ariane, tandis qu'elle remerciait le jeune homme. La grille refermée, la mère et le fils revinrent vers la porte du pavillon. Madame Even dit pensivement « Les femmes de ma génération s'accoutument difficilement à ces mœurs nouvelles. » Il me semble si étrange de voir cette jeune fille agir en confrère avec toi. Vous désapprouvez cela, maman ? Oui, en thèse générale. Je crois que, pour certaines natures, il y a là un grave danger. Il s'était arrêté au pied des marches montant au vestibule. Des mouches, ivres de chaleur, bourdonnaient dans la lumière répandue sur la façade où les roses penchaient leurs corolles, lasses de tant de chaleur. Raymond les regardait machinalement. Il dit, après un court silence, « Des dangers réels, oui, j'en connais plus d'un exemple. Mademoiselle Daubré paraît heureusement bien douée sous le rapport moral. Mais quand même, il y a des tentations subtiles qui peuvent briser, à servir son âme dépourvue d'appui, de conseils autres que celui de sa raison. Elle est jeune, elle possède des dons rares, physiquement et intellectuellement. » Elle est de celles qui peuvent dominer souverainement la vie d'un homme et elle-même doit avoir une nature exquise, capable d'un grand dévouement et d'un grand amour, quoi qu'elle en dise. Mais tout cela, tous ces grands biens qu'elle a reçus de Dieu, ne les perdra-t-elle pas dans quelque triste, coupable passion, à moins qu'elle ne donne son cœur à qui ne le mérite pas ? Une pitié douloureuse vibrait dans l'accent de Raymond, et quelque chose d'autre aussi que saisit l'oreille anxieuse de la mère. Si elle est déçue, meurtrie, que fera-t-elle, sans consolation, sans la foi et les espoirs surnaturels dont nous vivons, nous autres croyants? Elle sent bien son indigence, elle en souffre. Elle te l'a dit? Oui, la pauvre enfant. Un peu de brise chaude agita le feuillage des rosiers, frôla les visages pensifs de la mère et du fils. Raymond regarda Madame Évène avec un reflet de grave tendresse au fond des yeux. « Allons, je retourne travailler, maman. À tout à l'heure. » Il disparut dans le vestibule et Madame Évène retourna vers son mari. S'asseyant près de lui, elle attira vers elle sa corbeille à ouvrage. « Absolument délicieuse, cette Ariane Daubré, » fit le colonel. « Elle doit plus ou moins tourner la tête de tous ses confrères. » « Oui, hélas !» Il regarda sa femme attentivement. Sur le ferme visage, de petites rides d'inquiétude se formaient au coin des lèvres, sous les yeux où passait l'angoisse. « Qu'avez-vous, Hélène ? J'ai peur d'elle pour Raymond. » Il songea un instant, puis hocha la tête. Sa physionomie devint perplexe. « Eh, eh ! Je n'avais pas réfléchi, en effet. » « J'ai peur de sa beauté, de son intelligence et surtout de son cœur. Elle est bonne, sincère, et elle doit être une passionnée comme lui. Elle l'aime déjà, je le crains. Et lui, il est sous le charme, je l'ai vu dans ses yeux. » Elle croisa sur ses genoux ses mains qui se raidirent. Elle l'intéresse aussi par l'inquiétude de son âme, par tout ce qu'il sent en elle de dégoût pour une vie inférieure dont tant d'autres se contentent. C'est une nature peu banale et, par certains côtés, peut-être digne de lui. Mais son père l'a élevée dans l'athéisme, en dehors des traditions qui furent celles de notre race, et cela, plus que tout, doit l'éloigner de Raymond. Cependant, le jour où l'amour parlera en lui, que fera-t-il? Quel débat, alors, entre lui et sa conscience? Quelle lutte, peut-être, contre Ariane elle-même, si elle est éprise de lui? La pauvre enfant n'admettra pas d'obstacle à sa passion. Raymond est sérieux, Raymond est fort, de par sa nature et son éducation, mais il est homme, il peut avoir son heure de faiblesse. De toute façon, qu'il résiste ou qu'il cède, ce sera la souffrance pour lui et une souffrance infiniment plus profonde, plus déchirante que celle dont Paul fut la cause, car il aimera Ariane autrement qu'il a aimé Paul. » Le colonel tordait la pointe de sa moustache en considérant sa femme d'un air soucieux. Évidemment, évidemment. Mais enfin, mon ami, ce ne sont que des hypothèses. Ne vous inquiétez pas ainsi à l'avance. Il est certain qu'elle est terriblement séduisante. Mais Raymond, comme vous le dites, est très fort. Vous lui avez donné votre énergie morale avec des principes dont il a toujours fait, jusqu'ici, la règle de sa vie. Puis nous pouvons le mettre en garde discrètement. » Madame Évène secoua la tête. « Chose difficile, périlleuse et inutile aussi, probablement. De même, à quoi nous servirait d'écarter Mademoiselle Daubré de notre demeure? Il la voit presque chaque jour au palais, elle peut venir le trouver ici ou l'attirer chez elle, sous prétexte d'affaires professionnelles. Tout ceci n'est, comme vous dites, qu'hypothèse. » Mais notre devoir est d'envisager ce qui peut se produire. Jusqu'ici, je n'avais qu'une crainte mal définie. Et voilà qu'en lui ouvrant tout à l'heure, en l'entendant demander Raymond, j'ai tremblé. C'est que jamais elle ne m'avait donné aussi fortement qu'aujourd'hui l'impression de son charme, du pouvoir qu'elle peut prendre sur un cœur d'homme. Pendant un moment, j'ai voulu lui dire « Non, mon fils n'est pas ici ». Mais j'ai pensé que je ne le pouvais pas et que ce serait inutile, car elle reviendrait ou lui demanderait de venir chez elle. Alors je l'ai conduite vers lui en me disant que je lui apportais peut-être le malheur de sa vie. Ses traits se tiraient un peu et toute l'angoisse de son cœur se refléta dans ses yeux d'un brun si chaud comme ceux de Raymond. Le colonel tordait de plus belle sa moustache qui s'effila entre ses doigts comme un mince écheveau. Non, peut-être non, Hélène. Elle doit avoir de belles qualités, cette enfant. Cela encore est une hypothèse très dangereuse, car elle peut tenir à son incroyance et Raymond souffrirait toute sa vie de se voir séparé de sa femme sur ce point, capital pour lui, sans parler des conséquences qui découlent d'un tel état de choses pour les enfants. Elle s'interrompit et demeura un moment silencieuse, les mains jointes. Puis elle reprit, d'une voix que l'émotion assourdissait, « Que Dieu nous préserve de ce malheur, qu'il nous inspire le moyen de le prévenir !» De nouveau, il y eut un long silence. Madame Évène fermait à demi les yeux, semblait s'absorber dans quelque vision intérieure. Puis elle dit à mi-voix, pensivement, « Je puis essayer, peut-être. »